franceinter.com. Est-ce la nouvelle zone noire de notre monde, l'antre du terrorisme, le nouveau sanctuaire d'Al-Qaïda et de tous les émules de Ben Laden? C'est en tout cas ce que l'on lit un peu partout à propos du Yémen, en particulier depuis la tentative d'attentat perpétrée dans un avion américain par un jeune Nigérian qui aurait été formé au terrorisme par un maître yéménite, un jeune homme de bonne famille qui aurait affirmé aux enquêteurs avoir été mandaté par Al-Qaïda. Fantasme ou réalité? C'est l'une des questions auxquelles M. X se propose de répondre dans la deuxième partie de cet entretien consacré au Yémen. La semaine dernière, il a évoqué l'histoire récente de ce pays qui est, malgré sa mauvaise réputation actuelle, la seule démocratie du monde arabe, certes de plus en plus tribale. Une histoire tourmentée qui explique en partie son destin actuel. Longtemps divisé en deux États, l'un conservateur et très religieux au nord et l'autre marxiste au sud, le Yémen a vécu dans la douleur sa réunification dans les années 90. C'est à cette occasion que ses dirigeants ont laissé filtrer le poison tribal qui le mine aujourd'hui. Autre point essentiel, les manœuvres insidieuses du voisin saoudien qui n'a eu de cesse d'essayer de le déstabiliser, y compris en instrumentalisant les islamistes qui ont gagné en influence au fil des ans. Et il faudrait encore rappeler que c'est au Yémen que les Américains ont pour la première fois fait appel, bien avant l'Afghanistan, à des combattants djihadistes pour contrer les Soviétiques présents au Sud-Yémen. Un précédent très dangereux. Tel était donc le Yémen au début du troisième millénaire, ruiné par d'innombrables guerres civiles, divisées et sur le point de devenir le nouveau foyer du terrorisme international. Une précision d'abord, au risque de me répéter. Vous savez combien je suis réticent à avoir partout la main de Ben Laden. Et je vous ai souvent expliqué qu'Al-Qaïda n'était au fond qu'une sorte d'image de marque dont n'importe qui pouvait se servir. Tenez, par exemple, ce Nigérian qui a maladroitement essayé de faire exploser un avion en vol à la fin de l'année passée. Il aurait agi au nom d'Al-Qaïda, selon ce qu'il a déclaré. Mais qu'il prouve. Vous ne pouvez quand même pas nier qu'Al-Qaïda existe. Oh, bien entendu, je vais même plus loin. Contrairement à certains spécialistes dont j'ai lu récemment les analyses, je ne pense pas que l'organisation de Ben Laden soit en perte de vitesse. Parce que sa faiblesse est en même temps sa force. Il faut m'expliquer, là. Écoutez, sans structure apparente, sans organigramme réel, Al-Qaïda est une sorte de ventre mou. Un édredon, une pieuvre caoutchouteuse dont les bras sitôt coupés repoussent immédiatement et donnent même naissance à d'autres surgeons. Et surtout, À quoi sert de l'attaquer avec l'énorme machine de guerre que possèdent les Américains? Pire, la technologie moderne est improductive et féconde même le monstre. Quand un drone états-unien frappe un village pakistanais, afghan, somalien ou aujourd'hui yéménite, provoquant la mort de civils innocents, il permet à de nouveaux combattants de se lever. Alors c'est une lutte perdue d'avance? Non, mais les méthodes utilisées ne sont sans doute pas les bonnes. En outre, et ça va me permettre de revenir au Yémen, Al-Qaïda ne cesse de tendre des pièges aux Américains. En frappant les tours du World Trade Center, les séides de Ben Laden ont obligé les États-Unis à intervenir en Afghanistan. Et en soutenant les talibans incrustés au Pakistan, ils forcent les Américains à y intervenir de plus en plus ouvertement. Et en Somalie et au Yémen, c'est pareil. À mon avis, le plus beau cadeau que Washington pourrait faire à Ben Laden, ça serait de débarquer des troupes dans ces deux pays. Ouais, mais alors, Obama ne semble pas décidé à commettre cette erreur. Bien heureusement. Et Bush, alors lui, à votre avis, il serait tombé dans le piège? Écoutez, on va pas refaire l'histoire, mais ce qu'il a accompli dans le passé permet de penser qu'il aurait peut-être plongé dans ce nouveau bourbier. Alors, pardon pour cette longue parenthèse, mais elle me semblait indispensable. Le Yémen, donc. Dès les années 90, c'est-à-dire bien avant le 11 septembre, les Américains se sont engagés là-bas. Et c'est dans ce pays qu'ils ont même conduit pour la première fois des opérations d'élimination physique d'individus censés être des terroristes. Avec l'assentiment des autorités yéménites. Il ne pouvait pas en être autrement. Et tout cela s'est fait sous couvert de la mise en place d'un programme d'assistance antiterroriste. Mais est-ce que ça correspondait à une réalité sur le terrain? Plusieurs attentats commis dans le pays avaient permis de comprendre que l'islamisme radical qui gagnait en audience au Yémen servait de vivier pour Al-Qaïda. Et puis, il y avait l'implication de Yéménites dans des attentats qui avaient frappé directement les intérêts américains. Par exemple, lors des attaques meurtrières contre les ambassades états-uniennes au Kenya. Puis il y a ensuite le coup contre un destroyer américain à Aden. L'USS Cole, oui. En octobre 2000. 17 marins sont tués au cours de ce raid très spectaculaire. Ensuite, vous le savez, dès leur débarquement en Afghanistan, les Américains vont découvrir que de nombreux Yéménites combattent dans les rangs d'Al-Qaïda. Et ceux qui seront capturés iront croupir à Guantanamo. Et il y a donc longtemps que le Yémen est une cible pour l'appareil antiterroriste des États-Unis. Oui, mais le rôle de l'Arabie Saoudite, alors, dans tout cela? Dans notre précédent entretien, je vous ai dit que les Saoudiens, alliés traditionnels de Washington, n'ont cessé de se mêler des affaires yéménites. Et pour de multiples raisons, je résume. Riyad a d'abord tout fait pour empêcher la réunification des deux Yémen. Pour empêcher aussi l'édification d'un pays trop puissant à ses frontières. En outre, il y a des considérations économiques et territoriales, oui. L'Arabie Saoudite a toujours eu des vues sur quelques régions yéménites limitrophes. Et m'avez-vous dit, elle a même réussi à s'emparer de quelques provinces? Dans les années 30, oui. Mais ses visées expansionnistes ne sont pas limitées à ce grignotage. Riyad a même eu l'intention de créer sous sa tutelle un état pétrolier dans la province est du Yémen, la Madraout. Ouais, là où justement se trouvent les principales ressources en gaz et en pétrole. Et ça aurait aussi permis aux Saoudiens d'avoir un accès à l'océan Indien. Pour réaliser ses objectifs, l'Arabie Saoudite a donc soutenu activement les sécessionnistes et tous ceux qui étaient porteurs de facteurs de division, les islamistes en particulier. Et ça alors, avec l'accord de Washington? Ça me paraît probable. C'est ainsi que les Saoudiens ont armé les tribus du Nord en lutte contre le pouvoir central. Mais aujourd'hui, ça se retourne contre eux. Et pour quelle raison alors? Les rebelles, qui autrefois ont été équipés et armés par les Saoudiens, menacent ces derniers sur leurs propres frontières. Oui, parce que désormais, Riyad soutient les Yéménites dans leur combat contre la rébellion. Oui, ça s'explique très bien. Ces rebelles du Nord, même s'ils ne sont pas affiliés directement à Al-Qaïda, ne sont pas très loin d'épouser quelques-unes de ses idées. Et il faudrait aussi ajouter le rôle obscur que joue l'Iran dans cette affaire. Ça, j'y reviendrai. En tout cas, c'est une menace considérable pour l'Arabie Saoudite qui est inlassablement dénoncée par Ben Laden. Alors, si vous le voulez bien, reprenons à la base et voyons exactement ce qu'il en est de cette rébellion nordiste. Et comment est-elle née d'abord? Le foyer de ce mouvement rebelle en lutte contre les autorités de Sanaa, c'est donc le nord-ouest du pays, autour de la ville de Saada, une région marquée par le zaïdisme. Oui, on en a parlé la semaine dernière, mais c'est une faction religieuse qui se réclame du chiisme. Alors que le reste du Yémen, c'est le sunnisme qui est majoritairement pratiqué. Cette particularité a donc fait l'originalité de cette région qui est aussi le cœur de l'ancien imamat zaïdite, une théocratie qui a régné pendant un millénaire sur le Yémen du Nord. Jusqu'à la proclamation de la République au début des années 60. Et ça, ça a forcément laissé des traces. Bah oui, parce que les racines religieuses du zaïdisme sont profondes. Ces imams, qui se sont succédés sans interruption pendant si longtemps, affirmaient être des descendants du prophète. Ils jouissaient donc d'un immense prestige et d'une grande autorité sur leur sujet. Et en 1990, c'est aussi un homme qui appartient à cette lignée, Hussein Badr al-Houthi, qui crée un parti politique, le Hizb al-Haq, c'est-à-dire le parti du droit et de la justice. Mais on appellera ça plus simplement ses partisans, les houthistes. Alors, du nom du fondateur du mouvement, et quel est le programme de ce nouveau parti? En principe, les houthistes affirment leur fidélité à la République. Ils ne veulent donc pas ressusciter l'imamat? Non, mais ils veulent que soit reconnue leur identité zaïdite, menacée, selon eux, par le sunnisme et ses versions rigoristes, le wahhabisme et le salafisme. Alors, en germe, il y a donc aussi une revendication d'ordre nationaliste. C'est certain. Et il faut observer que la région zaïdite est longtemps restée à l'écart, parce qu'elle est demeurée le dernier bastion des royalistes. Ouais, les partisans de l'imam. Oui, ouais. Elle n'a donc pas bénéficié des politiques de développement mises en œuvre depuis l'indépendance et la réunification. Par conséquent, ce que vise al-Houthi, c'est aussi la restauration de la particularité religieuse des zaïdites. Et donc ça, reconnaissance par les autorités du pays. Ouais. Et ici, il faut tout de suite noter que le président Saleh, qui est au pouvoir depuis 1978, est lui-même zaïdite. Mais il ne fera jamais preuve de solidarité avec ses frères en religion, et bien au contraire, il les combattra plus tard avec acharnement. Ouais. C'est l'acharnement des renégats. Bon, si vous voulez. Après ces généralités, reprenons. En 1993, al-Houthi est élu député. Et ça signifie que son parti s'ancre dans la réalité yéménite. Ouais, mais seulement au nord. Naturellement. Il est alors au mieux avec le président Salé. Pour une simple et bonne raison. Le président, qui est un excellent manœuvrier, en témoigne son exceptionnelle longévité au pouvoir, espère ainsi réduire l'influence des sunnites salafistes de son partenaire gouvernemental, le parti islamiste. Ouais, divisé pour mieux rier. Hein. Mais cette entente ne va guère durer. Rendez-vous avec X. Retour sur ce que M. X a appelé les manœuvres saoudiennes anti-yéménites. Voici ce que je lis dans un article de Laurent Bonnefoy, publié en août 2006 dans Le Monde diplomatique. Si différents et pourtant si semblables, le Yémen et l'Arabie saoudite sont deux frères rivaux. République contre royaume, ruraux contre urbains, pauvres contre riches, tout divise les deux pays, séparés par une frontière commune longue d'environ 1500 kilomètres. Depuis le conflit frontalier de 1934 qui entraîna la perte par le Yémen des provinces de l'Azir et de Najran, jusqu'à la coopération récente en matière de sécurité, la rivalité entre les deux pays les plus peuplés de la péninsule arabique a marqué le siècle dernier. La domination saoudienne a d'abord pris la forme d'ingérence dans la politique intérieure du Yémen du Nord. Soutenant les royalistes au lendemain de la révolution de 1962, le gouvernement saoudien ne reconnaît la République arabe du Yémen qu'en 1970, mais poursuit sa politique interventionniste. De nombreuses tribus yéménites bénéficient des largesses saoudiennes et un système d'enseignement parallèle, les instituts scientifiques, est financé par Riyad. Les tensions entre les deux Yémens sont par ailleurs favorisées. Dès lors, le credo saoudien semble être d'empêcher toute tentative d'unification de ses voisins. Au moment de la guerre inter-yéménite de 1994, faisant fi de toute cohérence idéologique, le gouvernement saoudien prend le parti de la sécession, dirigé par les anciens leaders socialistes du Sud. Les houthistes sont donc d'abord des alliés du président Saleh avant d'en devenir les adversaires. C'est la vérité. Le tournant, c'est le 11 septembre 2001. Quel rapport avec le Yémen, là ? Al-Houthi, comme beaucoup d'autres dirigeants arabes, loin de manifester la moindre compassion envers les Américains, en profite au contraire pour prononcer des discours hostiles aux États-Unis et à Israël. Ça n'a effectivement rien d'original dans un pays arabe. Mais pour Saleh, c'est un prétexte idéal pour se débarrasser d'un allié qui devient encombrant. Al-Houthi est alors accusé de prôner un programme réactionnaire et même d'entretenir une collusion coupable avec l'Iran et le Hezbollah libanais. Et donc avec la galaxie chiite. Et au fond, au-delà de la manœuvre politicienne qu'elle dissimule, la position de Saleh s'explique assez bien. Le président yéménite n'a pas oublié les conséquences du soutien qu'il a autrefois apporté à Saddam Hussein. Oui, en 1990, lors de la guerre du Golfe. Les États-Unis avaient alors ostracisé le Yémen et sa fidèle alliée, l'Arabie Saoudite, avait expulsé 1 million de travailleurs yéménites. Oui, provoquant un désastre économique au Yémen. Par conséquent, Saleh ne veut pas reproduire une telle erreur. D'autant que dans le cadre de la lutte antiterroriste, il a déjà noué des rapports étroits avec les services américains. En 2002, le président yéménite renouvelle ses mises en garde. À quoi ? À l'adresse de Al-Houthi ? Oui, autre fait qui explique l'empressement du président yéménite à condamner son ami d'hier, la pression exercée par Washington, surtout après l'assassinat en 2002 de 3 missionnaires états-uniens. À la Maison-Blanche, certains proches de George Bush pense que le gouvernement yéménite ne joue pas vraiment franc jeu. C'est-à-dire ? Certes, il s'est officiellement rangé dans le camp antiterroriste, mais les Américains soupçonnent certains hauts dirigeants proches des milieux islamistes d'avoir des contacts avec Al-Qaïda et même d'avoir aidé les terroristes lors de l'attentat contre le navire de guerre USS Cole. Saleh doit donc faire ce qu'il peut pour écarter ses soupçons. C'est ce que je pense, et sa réaction est aussi habile que cynique. Parce qu'en engageant ouvertement la lutte contre les houthistes, il va donner l'impression de combattre les terroristes. Alors que les zaïdites et les gens d'Al-Qaïda ne sont liés en aucune façon. Les seconds considérant les premiers même comme des hérétiques. Au début, en tout cas. Et en créant cet amalgame, Saleh va aussi obliger les Américains à l'aider en lui fournissant des équipements militaires. Parce que la querelle va déboucher sur un affrontement armé. En 2004, oui. Et qui prend l'initiative alors ? Les forces armées yéménites. Le président yéménite vient alors d'être conforté par une victoire électorale aux législatives. Et il estime que c'est le moment d'en finir avec les houthistes et leur organisation la plus active, le groupe zaïdite de la jeunesse croyante. Les houthistes, là, ont-ils les moyens de se défendre ? À ce moment-là, pas vraiment. Et très vite, ils partent se réfugier dans les montagnes du nord-ouest du pays. Et c'est là que leur chef, Hussein Bab al-Houthi, assiégé dans une grotte, va être tué en septembre 2004. Mais les combats ont déjà causé la mort de centaines de zaïdites. La disparition du chef des houthistes, met-elle fin à la guerre ? Absolument pas. Son père reprend le combat à son compte. En même temps, il faut le souligner, Saleh, président de la seule démocratie du monde arabe, restreint pour la première fois les libertés en vigueur dans le pays. Les journaux sont interdits, des écoles sont fermées et des militants zaïdites sont emprisonnés. Autant de mesures qui ne font qu'accroître l'hostilité de leurs co-religionnaires et donc la résistance des houthistes à la répression qui sévit dans le nord-ouest du pays. Et puis il y a un autre fait qui ne doit rien au hasard. Ah, mais expliquez-moi. Là. En septembre, le mois même de la mort d'Al-Houthi, la cour pénale de Sanaa condamne 2 islamistes à mort et 4 autres à de sévères peines de prison pour leur participation à l'attentat contre l'USS Cole. Et c'est un signal envoyé aux États-Unis ? Ça me paraît évident. Saleh veut montrer aux Américains qu'ils luttent tous azimuts contre le terrorisme. Celui d'Al-Qaïda, mais aussi celui des houthistes. Et il procède à l'amalgame dont je vous parlais précédemment. Ah, oui. Et du côté houthiste, alors, on résiste ? Oui, oui. D'abord parce qu'au nord, ils sont chez eux, et ensuite parce qu'ils jouent habilement des rivalités tribales. Enfin, il existe une incontestable solidarité entre tous ces chiites d'obédience zaïdite. Chiites, ils pourraient donc, comment dirais-je, presque naturellement demander l'aide des Iraniens. Et c'est l'un des aspects les plus controversés de cette affaire. Évidemment, comme vous pouvez le penser, les houthistes nient avec la plus grande vigueur recevoir de l'aide des autorités iraniennes ou même du Hezbollah. Mais bien entendu, on entend un tout autre son de cloche à Sanaa, où on affirme détenir des preuves du soutien de Téhéran aux rebelles. Un navire iranien chargé d'armes destinées aux houthistes aurait même été intercepté en mer Rouge par la marine yéménite. Et vous alors, qu'en pensez-vous ? Bon, rien ne m'étonnerait moins que l'implication de l'Iran, surtout depuis que l'Arabie saoudite s'est à son tour engagée contre les rebelles. Mais on verra ça dans un instant. L'Arabie saoudite, qui est, il faut le rappeler, l'adversaire le plus résolu de l'Iran dans la région. Donc, je ne suis pas loin de croire, comme certains analystes en stratégie, à la réalité de ce qu'ils appellent l'arc chiite, c'est-à-dire d'une alliance entre les chiites iraniens, irakiens, yéménites et libanais. Une sorte d'encerclement chiite de l'Arabie saoudite sunnite. Et surtout une tentative iranienne d'élargir son influence au Moyen-Orient. Mais faute de preuves réelles, restons-en là. Cependant, il faut bien comprendre que les accusations contre l'Iran ne sont pas innocentes. Dans le contexte actuel, le gouvernement yéménite ne peut qu'y gagner la sympathie des Occidentaux. Oui, ça c'est vrai. En tout cas, puisque les combats se poursuivent encore maintenant, il faut bien que les houthistes reçoivent des armes. Ah ben, c'est évident. Mais le Yémen est un pays où les trafics sont aussi innombrables que les fidélités sont improbables. Que veut dire ça ? Cette énigme, oh, c'est très simple. Il faut tenir compte du jeu des tribus qui peuvent aisément passer d'un camp à un autre en fonction du résultat qu'elles recherchent, ou bien des bénéfices qu'elles peuvent en retirer. Puis, il y a l'armée. Certains officiers se sont laissés facilement corrompre et ont livré les armes dont ils avaient la charge. Il ne faut pas oublier que le tiers de la population yéménite est d'origine zaïdite. Elle est donc presque obligatoirement acquise aux houthistes. Alors, ces derniers bénéficient de nombreuses complicités. Mais revenons là où nous en étions restés, c'est-à-dire la mort en septembre 2004 de Hussein Badr al-Houthi. Il y a la succession conduite par son père, c'est oui, ça ? Oui, ce succès des forces gouvernementales se traduit momentanément par une accalmie. Mais dès le mois de mars 2005, les combats reprennent avec une rare intensité. Et malgré les bombardements massifs des villages du nord, la résistance houthiste se poursuit. Ce à quoi l'armée yéménite ne s'attendait peut-être pas. C'est certain. Et malgré l'annonce par le président Saleh d'une amnistie pour les rebelles, les affrontements continuent et se font chaque jour plus violents. Et là encore, la pression internationale joue un rôle dans cette exacerbation. Alors qu'on assiste à de nouveaux enlèvements de touristes, le gouvernement yéménite veut à tout prix prouver qu'il fait l'impossible pour garantir la sécurité dans son pays. Et il redouble d'efforts pour mater la rébellion accusée de collusion avec le terrorisme. Alors que, disiez-vous, la plupart du temps, ces prises d'otages n'ont aucun caractère politique. C'est la vérité. Mais Saleh le Zaïdite ne peut plus reculer et s'acharne à réduire la rébellion de ses frères. Thank you. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Un mot sur l'aide qu'apporterait le gouvernement des ayatollahs aux rebelles houthistes. Dans un article du Monde très récent, il date de novembre 2009, Gilles Paris écrit ceci à propos d'une déclaration de Ali al-Hanessi, directeur de cabinet du président yéménite. Les médias officiels iraniens les soutiennent ouvertement, assure-t-il avant de s'interroger sur les activités des diplomates iraniens en poste au Yémen. Le directeur de cabinet assure disposer de preuves retrouvées au cours des combats du soutien apporté par certains d'entre eux aux rebelles. Les houthistes reçoivent de l'aide de groupes chiites du Bahreïn, de Koweït et des Émirats, mais le soutien iranien est ancien et remonte avant la guerre, poursuit-il. Hussein al-Houthi et son père, Badr Hedin, étaient à Qom dans les années 1980, et c'est après que les houthistes ont adopté les slogans iraniens « Mort à l'Amérique, mort à Israël ». Pour autant, nous écartons l'idée d'un gel des relations avec nos frères iraniens. J'ajoute un aspect que j'ai complètement oublié de mentionner. Cette guerre civile impitoyable se déroule dans le silence, le secret le plus absolu. Aucun journaliste n'est autorisé à pénétrer dans la zone des combats et on ne sait pas exactement combien de victimes ont péri et périssent encore dans cette guerre fratricide. Elle aurait déjà fait près de 10 000 morts dans les deux camps. Et soyons francs, ça n'intéresse pas grand monde. Mais que voulez-vous dire là ? L'essentiel, surtout pour les puissances occidentales, c'est de savoir que le gouvernement yéménite lutte contre une rébellion interne liée au terrorisme international. Et puis, on n'essaie pas de voir plus loin. Les Américains semblent quand même préoccupés. Hein. C'est vrai. Je vous l'ai dit, ça fait longtemps qu'ils s'intéressent au pays, mais leurs interventions étaient jusque-là fort discrètes. Alors, pourquoi le Yémen est-il depuis présenté comme le nouvel Afghanistan, le nouveau sanctuaire d'Al-Qaïda ? Parce que certains stratèges de la lutte antiterroriste ont sans doute estimé qu'il n'était pas inutile de désigner ce nouvel abcès et de stigmatiser les Yéménites. Alors pourquoi ? Préparer de futures actions répressives ? On peut l'imaginer. Même si j'en suis convaincu, la Maison-Blanche se gardera bien de tomber dans le piège et de lancer une véritable offensive au Yémen. Ouais. D'accord, mais il doit quand même y avoir une réalité derrière. On ne peut pas nier que le Yémen soit devenu aujourd'hui un foyer actif du terrorisme. J'y reviens dans un instant, si vous le voulez bien. Et les voisins du Yémen, alors ? L'Arabie Saoudite, on va le constater, sera bientôt impliquée, volontairement ou pas. Mais les autres États de la péninsule arabe ne bougent guère, à l'exception du Qatar, qui a essayé de s'entremettre. Les dirigeants de l'Émirat ont même obtenu, en 2007-2008, l'ouverture de négociations entre les belligérants. Mais cette tentative échoue assez rapidement. Il n'est d'ailleurs pas exclu que Riyad ait torpillé cette esquisse de paix. Toujours dans le but de déstabiliser le pays ? On peut le penser. Je crois que les dirigeants saoudiens continuent à estimer que le Yémen est peu ou prou une sorte de dépendance territoriale de leur royaume. Il était donc inévitable que l'Arabie saoudite se trouve un jour engagée dans le conflit. Et c'est le cas aujourd'hui. Oui, les houthistes, qui savent fort bien que les saoudiens arment les forces yéménites et les tribus ennemies, ont fini par exporter la guerre sur la frontière. Ouais. Et donc l'armée saoudienne est maintenant partie prenante du conflit. C'est exact. Au nom, bien sûr, de la lutte contre le terrorisme. Mais à cause du secret qui entoure toute cette affaire, on n'en sait guère plus. Il faut ajouter à cette situation déjà très compliquée le fait que l'embrasement du Nord a réveillé les anciennes rivalités tribales au sein même de la communauté zaïdite. Et ce qui est en jeu, c'est la lutte pour le pouvoir et donc l'éventuelle succession du président Salé. Quoi qu'il en soit, cette guerre sans image a encore gagné en violence ces derniers mois. L'été dernier, l'armée yéménite a lancé par exemple l'opération Terre Brûlée. De quoi s'est-il agi là ? D'une vaste offensive contre les guérillas houthistes. Impossible de savoir quels en ont été les résultats militaires. Par contre, il est notoire que cette opération a créé une situation humanitaire épouvantable. 150 000 personnes ont dû abandonner leur maison et trouver un refuge dans des camps où ils s'entassent dans le plus grand dénuement et sont en butte à l'hostilité des membres des tribus voisines. Toutefois, et c'est là où je voulais en venir, le conflit s'est aussi déplacé au sud, où les revendications séparatistes ont fait de nouveau leur apparition. Ouais, mais encore une guerre ? Mais une guerre larvée où le terrorisme joue pleinement son rôle. C'est d'autant plus évident que les tribus du Sud n'ont jamais vraiment accepté la prééminence du Nord incarnée par le président Saleh. Il existe donc là aussi un terreau favorable à la rébellion. Oui, car ces tribus turbulentes voudraient bien secouer le joug de Sanaa et arracher, sinon leur indépendance, au moins leur autonomie. Et c'est un terrain idéal pour les terroristes qui ont infiltré les tribus. On assiste donc à une augmentation des manifestations du terrorisme dans le reste du pays. Oui, quelques faits. Ça commence réellement par une évasion spectaculaire en février 2006. 23 prisonniers suspectés de terrorisme s'évadent de la prison de Sanaa. Parmi eux, il y a un certain Nasser al-Wuhayhi, dont nous reparlerons. Et il paraît évident que les fuyards ont bénéficié de complicité au plus haut niveau. Ouais, c'est-à-dire ? Vraisemblablement au sein des services de renseignement. En tout cas, la conviction des Américains qui suivent avec attention la situation yéménite depuis fort longtemps. Et m'avez-vous dit, avant même les attentats du 11 septembre. C'est juste. Mais enfin, n'y revenons pas. Le 11 septembre a bien sûr renforcé leurs alarmes. Et déjà, même s'ils ne le disent pas ouvertement, ils ont placé le Yémen sur leur liste noire. Ils y interviennent même directement. Et comment alors ? En 2002, par exemple, un drone détruit le véhicule où ont pris place plusieurs djihadistes, parmi lesquels un chef tribal accusé d'avoir des liens avec Al-Qaïda et qui aurait été l'initiateur de l'attentat contre l'USS Cole. Depuis, les Américains ont discrètement envoyé au Yémen des centaines de militaires et d'agents d'enseignement. Toujours en accord avec les autorités du pays. Naturellement. D'ailleurs, tout de suite, après le 11 septembre, le président Salé s'est rendu aux États-Unis pour formaliser cette coopération dans la lutte contre le terrorisme. Et pourtant, alors, si je vous ai bien compris, cette coopération n'a pas empêché les Américains de nourrir des soupçons sur la duplicité des Yéménites. En effet. Alors, je vous ai promis des faits qui témoignent de la montée du terrorisme essentiellement au Sud. Juillet 2007, un attentat à la voiture piégée provoque la mort de 7 touristes espagnols et de 2 de leurs accompagnateurs sur un site archéologique. Août 2008, une caserne des forces de sécurité est frappée par un attentat. Septembre 2008, l'ambassade états-unienne est attaquée. 16 personnes, tous des Yéménites, sont tuées. Et là, l'objectif est clair. Enfin, en juin 2009, un groupe d'étrangers, des touristes, mais aussi des membres d'une ONG médicale à Saada sont enlevés. 3 d'entre eux auraient été exécutés. Saada se trouve au nord. Certes, mais ce sont des Occidentaux qui sont frappés. Enfin, un peu plus tôt, début 2009, un homme qui est présenté comme l'ancien secrétaire de Ben Laden, Nasser al-Wuhayhi, annonce le regroupement des branches yéménites et saoudiennes sous l'appellation d'Al-Qaïda pour la péninsule arabique. Ouais, et ça, ce type-là, c'est l'un des évadés de 2006. Hein. Oui, oui, et à ma connaissance, il est toujours en liberté. Ah, la duplicité toujours. En effet, car d'un côté, Salé ne veut pas déplaire aux Américains. Il n'en a d'ailleurs pas les moyens. Mais de l'autre, il aimerait bien entamer un dialogue avec les djihadistes. La meilleure façon, selon lui, d'en finir avec le terrorisme dans son pays. Et on ne peut pas lui donner tout à fait tort lorsqu'il affirme que partout ailleurs, la lutte armée contre la violence terroriste n'a pas vraiment donné de résultats probants. Et puis, il ne faut pas oublier que le président yéménite marche sur un fil. C'est-à-dire ? Tout en affichant sa solidarité avec Washington, il ne peut pas non plus lâcher ou fâcher les islamistes qu'il soutienne et sont prompts à dénoncer l'occupation étrangère entreprise par les Américains au nom de la lutte d'Al-Qaïda. Occupation étrangère, ça me semble quand même exagéré. Hein. C'est vrai, mais il faut faire la part de la propagande. Les opposants au président Salé sont prêts à faire flèche de tout bois pour accuser les Américains. Et malheureusement, ceux-ci commettent parfois des bavures semblables à celles dont ils sont responsables au Pakistan et en Afghanistan. L'utilisation abusive des drones n'est pas sans risque pour les populations civiles. Et encore récemment, de telles frappes sur des bases supposées d'Al-Qaïda ont provoqué la mort d'innocents. Un nouvel argument contre les Américains. C'est évident. Et si je ne veux pas défendre Washington, mais il faut bien admettre que sa situation est bien difficile, car Obama doit aussi gérer son opposition républicaine, toujours prompte à dénoncer ses atermoiements et son manque de détermination face à la menace terroriste. Oui, soit, mais comme l'administration états-unienne nous a habitués par le passé à exagérer les risques de terrorisme encourus par le monde occidental. Alors, d'après vos sources, où en est-on exactement ? Il est certain que, assez récemment, l'organisation de Ben Laden s'est renforcée au Yémen. Al-Qaïda aurait même exporté dans ce dernier pays des combattants qui se trouvaient en Afghanistan et surtout au Pakistan. D'accord, mais ça représente combien de personnes, ça ? Quelques dizaines, quelques centaines ? Quelques centaines. Difficile à déterminer. Mais il faut compter aussi avec les complicités dont ils disposent dans les tribus. Cependant, ce qui fait aussi peur aux Américains et à leurs alliés gouvernementaux yéménites, c'est la possible infiltration de combattants somaliens issus des redoutables Shabab. Ouais, les islamistes radicaux. Qui ont mis Mogadiscio à feu et à sang ces derniers mois, oui. Un rapprochement entre les deux mouvements serait à coup sûr très préoccupant. Et ça explique pourquoi les États-Unis viennent d'accorder des dizaines de millions de dollars de fournitures d'armes au gouvernement de Sanaa. Il y a fort à parier que ces équipements seront d'abord utilisés pour mater les houthistes du Nord. On peut le craindre. Mais le maintien au pouvoir de Salé est à ce prix. Il doit continuer à faire croire aux Américains que là-bas aussi lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'il a essayé de faire au cours d'une récente conférence qui s'est tenue à Londres. Toutefois, les Occidentaux ont assorti leur réponse positive à sa demande d'aide d'une exigence de réforme et d'une véritable lutte contre la corruption. Bon, j'imagine, sans se faire trop d'illusions. J'emprunte la conclusion à un extrait de la lettre confidentielle d'information stratégique, TTU, dirigée par Guy Périmont. Dans sa livraison du 7 janvier dernier, il met en évidence l'engagement américain au Yémen. Je cite « La visite à Sanaa du général David Petraeus à la fin de la semaine dernière témoigne du soutien de Washington à l'axe militaire saoudo-yéménite. La rencontre du général Petraeus avec le président Ali Abdallah Saleh a conduit à un accord de renforcement de la coopération entre les deux pays dans la défense et la sécurité. Les États-Unis devraient envoyer des experts militaires au Yémen pour former des unités de lutte contre le terrorisme. La coopération entre Washington et Sanaa dans l'échange du renseignement devrait aussi être renforcé avec la création d'une cellule de coordination spécialisée. En contrepartie, Sanaa a donné son accord aux Américains pour qu'ils puissent mener des opérations en territoire yéménite après accord du pouvoir politique. À signaler, dans le dernier numéro de la revue 21, un récit de François-Xavier Trégan sur des villageois yéménites en révolte contre le pouvoir de Sanaa et en général contre le pouvoir féodal. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission et obtenir des informations. Merci à Valérie Ayessaraï, Michel Billou, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub qui m'ont aidé à élaborer ce programme. Tout de suite après le flash, CO2, mon amour de Denis Chessou.